Les petites histoires de Telming. Coucou les enfants, c'est l'heure de continuer à fabriquer notre histoire. Comme la dernière fois, je vais vous raconter ce que j'ai imaginé suite au choix que vous avez fait la semaine dernière. Ensuite, vous devrez choisir quelque chose de très important pour que j'écrive la fin de notre histoire. Rappelez-vous de quoi elle parle. Rien ne va plus dans le monde. Le soleil est éteint, tout commence à geler, et des monstres de glace surgissent d'un peu partout. Armée de son doudou, Zélie se lance dans une enquête pour savoir ce qu'il se passe. Malheureusement, elle tombe sur un monstre de glace furieux avant d'être miraculeusement sauvée par son doudou et sa mamie. Cette dernière lui révèle qu'elle dirige une organisation secrète qui résout les plus grands mystères du monde. Sauf que cette fois, elle est bloquée face à trois portes impossibles à ouvrir. À moins d'avoir un doudou magique comme celui de Zélie. La semaine dernière, je vous avais demandé de choisir quelle porte nos deux héroïnes allaient ouvrir. La grande majorité d'entre vous a décidé que ce serait la porte d'un château de glace qui a surgi au beau milieu d'un centre commercial. Maintenant que l'on sait quelle porte va s'ouvrir, que va-t-il se passer? D'abord, Zélie et sa mamie vont s'approcher du château. Et ça ne va pas être une partie de plaisir, parce que le centre commercial est un champ de ruines, avec des morceaux de bâtiments prêts à tomber, des pièges et des patrouilles de monstres glacés. Ensuite, il va leur falloir déjouer la vigilance d'un ogre des neiges de 10 mètres de haut qui garde l'entrée du château. Évidemment, elles vont y arriver. Mais comment? Je vous laisse la surprise. Une fois à l'intérieur du château, il ne leur reste plus qu'à trouver le maître des lieux, sans doute le grand méchant qui est derrière toute cette histoire. Et d'après la mamie de Zélie, le meilleur moyen d'y arriver, c'est de se faire capturer. Après tout, avec le doudou de Zélie, elles n'auront aucun mal à s'échapper. Le plan marche comme sur des roulettes, et nos deux héroïnes font la connaissance de l'horrible Kindless, un savant fou qui a volé le noyau du monde Glagla, où vivent les monstres de glace. Grâce à lui, Kindless contrôle les monstres et a créé une effroyable machine avec laquelle il a pu éteindre le soleil. Emporté par l'élan d'un discours digne des plus grands méchants de dessins animés, Kindless leur révèle que le noyau Glagla est caché au cœur d'un labyrinthe infernal qu'il a conçu lui-même et qu'il est le seul à posséder la clé qui permet d'y accéder. Zélie et sa mamie finissent dans un cachot, mais elles ne s'inquiètent pas, car comme prévu, le doudou leur permet de s'échapper. Manque de chance pour elles, Kindless va les surprendre et lâcher une meute d'affreux chiens glacés et bavants à leurs trousses. La course-poursuite se termine dans une salle sans issue, au centre de laquelle se trouve une drôle d'arche en pierre. Zélie et sa mamie sont prises au piège. Kindless arrive et exulte. Sûr d'avoir gagné, il leur révèle qu'elles sont dans la salle du portail. Dommage qu'elle n'ait pas réussi à lui voler sa clé. Sauf qu'un portail, c'est un peu comme une porte. Et Zélie a son doudou. Elle l'utilise et le portail s'active, mais bizarrement. Il est instable et menace d'exploser. Et alors que Kindless prend ses jambes à son cou, Zélie et sa mamie s'y engouffrent. Elles se retrouvent de l'autre côté, saines et sauves. Le portail est en ruine, et devant elles se dresse l'entrée du labyrinthe infernal. Mais pourquoi est-il infernal au juste? C'est à vous de me le dire. Je vous propose trois choix. Est-ce que c'est parce qu'il y fait plus chaud qu'en enfer? Parce que les murs bougent tout seuls? Ou parce qu'il abrite un monstre plus horrible qu'un cauchemar? Vous avez peut-être une autre idée. Cette fois, je vous laisse la possibilité de me le dire. Je choisirai les plus originales, alors faites turbiner vos ciboulots. Rendez-vous tout de suite sur telming.com/lph, telming.com/lph, pour décider de la suite des aventures de Zélie et sa mamie. Faites-le tout de suite, car comme d'habitude, jeudi soir, les votes seront fermés. J'ai trop hâte de lire vos réponses pour imaginer la suite et fin de notre première histoire. J'espère que vous serez nombreux à participer. Je compte sur vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Lévi, un médecin en quelques minutes. Ce week-end, j'ai commencé à me sentir fiévreuse avec des douleurs d'estomac. Impossible de prendre rendez-vous avant lundi chez mon médecin. Du coup, j'ai utilisé Livi, L-I-V-I, pour faire une consultation médicale en vidéo. Et en quelques minutes, j'ai pu consulter un médecin qui était très à l'écoute. Il a pu me prescrire le traitement dont j'avais besoin. Ça m'a vraiment rassurée de pouvoir être prise en charge aussi rapidement. Sur Livi, consultez un médecin en vidéo pour les pathologies les plus courantes en quelques minutes depuis chez vous, 7 jours sur 7, de 7h à minuit. Livi, un médecin en quelques minutes.